Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, la mise en ondes, le choix musical et la recherche avec la complicité de Denis Marchand et Robert Blanchette. Aujourd'hui, à l'émission, nous aurons Triade d'Italie, The Lucid Dream d'Angleterre, It d'Angleterre, Gentle Giant aussi d'Angleterre, Unreal City d'Italie, Logos d'Italie et Baroque Project aussi d'Italie, une nouveauté. On aura Pendragon pour fêter le 20e anniversaire de l'album The Masquerade Overture. On a une nouveauté de la France, groupe Priapisme. On a aussi une nouveauté de Kate Bush, en fait, qui est un spectacle live en disqué en deux CD, Before the Dawn. Et on aura un nouveau groupe des jeunes musiciens de la République tchèque, du nom de Silla Grail. Alors, en début d'émission, on va aller en 1973 avec Triade. Triade qui, en fait, a produit un seul album, La Storia di Sabazio. C'est dans la mouvance de Banco et PFM et Les Ormés, là, avec une petite touche de Emerson, Lake & Palmer, surtout de Keith Emerson au clavier. On va voir ensuite Lucid Dream, de Lucid Dream, qui est un groupe du genre psychédélique, et ils ont 5 albums à leur actif, dont le plus récent, Compulsion Songs. On va entendre un extrait. Et on va finir le bloc avec la formation It et un extrait de leur 5e album We're All in This Together. Alors on débute ça avec Triade d'Italie. Thank you. piacere agli amici tuoi. Lascerai la donna tua che sarà vicino a te. La tua bocca bacerà, ormai stanca di parlare. Poi la morte ti avrà, i tuoi occhi prenderà. Non ci sono gli angeli, non c'è chi ti guiderà, ci sarai soltanto tu.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Et oui, juste avant la pause, nous avions la formation britannique IT avec la pièce Revolution. Et ça, c'est extrait de leur plus récent album We're All In It, This Together. Et auparavant, nous avions une autre formation britannique de Lucid Dream et la pièce I'm a Star In My Own Right Explicit. Et ça, c'est tiré de Compulsion Songs. Ça, c'est paru en automne 2016. Et en début de bloc, nous avions trois courts extraits de l'album La Storia di Sabazio de la formation italienne Triade, leur seul album paru en 1973. Alors, pour ce deuxième bloc, on va retourner du côté de l'Angleterre avec Gentle Giant, qu'on a fait jouer souvent à l'émission, mais aujourd'hui, je veux faire un petit retour au début, en 1970, avec un extrait de la pièce, c'est-à-dire de l'album éponyme Gentle Giant, bien entendu, et la pièce, c'est Alucard. Ça sera suivi de Unreal City, un jeune groupe italien qui a deux albums à son actif, et on va aller en 2013 avec un extrait de leur premier album, La Co-Delta di Aprile. Ceux qui aiment bien Unreal City vont être contents d'apprendre qu'ils sont en production finale d'un troisième album, et je vais probablement être assez précoce là-dessus. Dès qu'on aura la sortie, je vais vous en faire jouer un extrait, ça c'est certain. Et on va suivre avec Logos, une autre formation italienne. Trois albums entre 1999 et 2014. Le dernier, c'est L'Enigma della Vita. On va entendre la pièce Nas. Et en fin de bloc, une nouveauté du côté italien encore, c'est Baroque Project avec leur plus récent album Detachment. Ça vient de sortir. Très bon album que j'ai chroniqué sur profil.ca pour ceux que ça intéresse. Et déjà 4.4 sur Prog Archives là, après quelques semaines de diffusion seulement. Et on va entendre il y a 73 ou 74 minutes cet album-là, puis c'est un pur délice. Alors ça sera en fin de bloc Baroque Project. Alors on débute ça avec Gentle Giant. We'll be right back. not breathing, sightless, blind, I'll stop eating. Hear the crying of the dying, someone help me. Hipocrisia. socialità. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le troisième bloc, on va faire un petit retour en arrière. Juste avant la pause, nous avions la formation italienne Baroque Project et la pièce Promises. Ça, c'est tiré de Detachment, leur plus récent album qui est paru il y a une semaine. Et particularité, ici, le groupe italien ne chante qu'en anglais. Et c'est assez inusité. On pense qu'ils veulent faire une carrière un petit peu plus... Ils veulent dépasser les frontières de l'Italie probablement, mais en tout cas, je leur souhaite bonne chance parce que pour moi, un groupe italien qui chante en anglais, c'est pas l'idéal. Mais l'album, malgré tout, est très bon. Alors, ça a été précédé de Logos, une autre formation italienne, et la pièce Nas, ça c'est extrait de L'Enigma della Vita, qui est paru en 2014. Et auparavant, nous avions Unreal City avec un extrait de la Crudeltà di Aprile, leur premier album qui est paru en 2013. Et la pièce s'intitule « Dell'innocenza perduta ». Et en début de bloc, nous avions une pièce qui date déjà de 47 ans, « Alucard » de Gentle Giant. C'est extrait de l'album éponyme paru en 1970. Alors, pour le troisième bloc, nous allons du côté de britannique aussi avec Pendragon. Pendragon qui est actif depuis 1985, c'est dans la nouvelle mouvance du néo-prog. Ils ont 10 albums studio à leur actif et là, ce qu'on va entendre, c'est un extrait de Masquerade Overture. En fait, ils ont signalé le 20e anniversaire de cet album-là l'an dernier. Alors, on va entendre la pièce Masters of Illusion et ça sera suivi d'une pièce d'un groupe français. Je pense que le groupe français, oui, ils ont trois albums à leur actif. Le dernier, qui est paru il y a quelques semaines, qui s'intitule Diabolicus, Feline Pandemonium. Et ça, c'est un groupe qui déménage pas mal. Alors, par contre, c'est assez mélodique malgré la profusion de notes. Il y a des découvertes sonores aussi là-dedans. C'est très intéressant, mais c'est costaud. Alors, on débute avec Pendragon. Dreams, but I stay when I know I should go. attention to your dreams. But I stay when I know I should go. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous sommes rendus au dernier bloc de l'émission et on fait un petit retour. Ce qu'on a entendu avant la pause, c'était la formation française Priapisme et la pièce s'intitule « Totipotence d'un erg ». Et c'est extrait de Diabolicus Feline Pandemonium. Et en début de bloc, nous avions Pendragon avec la pièce Masters of Illusion. Et ça, c'est extrait de la sortie qui marque le 20e anniversaire de l'album The Masquerade Overture. Là, on va aller dans un tout autre registre avec Kate Bush. Kate Bush, qui est une chanteuse qui a été, en fait, découverte par David Gilmour en 1975 et il s'est proposé comme mécène pour financer son premier album. Elle a depuis 10 albums studio et en 2016, elle a fait une tournée et ça a été capté sur un double CD. Et on va entendre un extrait de ce spectacle-là. Le spectacle s'intitule « Before the Dawn » et la pièce, ça va être « Nocturne ». Et en fin d'émission, nous aurons « Seal Grail », une nouvelle formation de République tchèque. Ce sont des jeunes musiciens de Prague qui ont décidé d'en disquer. Ils sont des musiciens classiques et ce qu'ils proposent, c'est un mélange de classique, de prog et métal et jazz. En fait, c'est assez éclectique. La pièce qu'on va entendre, c'est une pièce quand même de 14 minutes. C'est Symphony of Progress. Je rappelle que c'est l'album éponyme Seal Grail, par Seal Grail. Alors, on débute ça avec Kate Bush. Driving into